أنت طارق وأنت مالك. أهلا يا مالك. اليو سي دي السلام عليكم. معايا. نزيد. ها؟ نزيد. أي كرام أي كرام. توش ما نوسي بس السلام بينتر نو الحمد لله. Oui, c'est leur problème. Si après ils ne s'aiment pas trop, c'est eux qui vont chercher. Hein. Parce que le salam, c'est parmi les causes de l'amour entre les frères. Mm-hmm. Okay. Non, donc on a dit quoi ? Ahlan, c'est une formule de bienvenue. Et Ahlan Salam, pareil. Et quoi ? Pourquoi tu ne te présentes pas Tu ne viens pas plutôt, non. Tu ne viens pas à la bibliothèque tous les jours. Li annani askunu qurbal matari wa sayyaratul ajrati wa sayyaratul ujrati sayyaratul ujrati wa sayyarat فسيارة أجراتي غالية. Donc les nani c'est parce que je. Et ça vient quand on pose une question avec l'imada, tu réponds avec li annani, ou li annaka, ou li annahum, en fonction de la question. Ça va venir, Inch'Allah, dans l'exercice. Donc il dit parce que j'habite proche de l'aéroport. Donc tu vois la courba, c'est proche dans le sens du lieu, pas de la personne. Les voitures les ujras ghalia, les taxis sont chers. Tariq, لماذا لا تحضر بالحافلات هناك خطوط كثيره لها. Pourquoi tu ne viens pas par les bus là-bas là هناك serait plutôt dans le sens là il y a beaucoup de lignes. Pour les bus. Inani la arifu min aina arkabuha. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas où est-ce qu'il a quoi où les monter, c'est-à-dire où les trouver pour monter. Min Aina Arkabou Adou, je dois monter dans les bus. Arkabou, c'est je vais monter, c'est je monte ça. Ah ouais. Ah ok, voilà. T'as allé c'est cool. Dans toutes les rues. Dans chaque rue parmi les rues. Ouais, dans chaque rue parmi les grandes rues, il y a une station de pour les bus. Non. Il y a deux stations. Mawaqif. Des stations de bus. وهل هناك وسيله اجراء اخرى فالحافله دائما مزدحمه ils ont fait une photo c'est مزدحمه en fait normalement la kasra elle est sur le mim et la fatha la kasra la fatha elle est sur le ha et la fatha elle est sur le mim ils ont fait une erreur qui demande est-ce qu'il y a un autre moyen aussi là on a dit c'est moyen et ukhra c'est le féminin de aha falhafila daiman mustahima car les bus sont toujours bondés tout le temps remplis ukhra c'est le féminin de aha aha qui veut dire autre vous n'oubliez pas qu'on dit helunakia des fois ça veut dire est-ce qu'il y a yep. On a quelque chose, il y a telle chose, telle chose. T'as dit quoi? Non. Je ne peux pas acheter une

ça fait peur après. Dans quel état tu sors quand tu as fini un livre comme ça et que tu n'as pas de bonne directive avec toi? Non. C'est Alice. لأنني أريد أن أشتري الفاكهة. ما فيها ألف ولام. ما فيها ألف ولام. أولا لأنني أريد أن أشتري الفاكهة. Pourquoi partir chez l'épicier? Parce que je vais acheter des fruits. Un fruit. Un fruit. نعم. رابعا. لماذا تشتري لماذا تشتري دفترا؟ لأنني أريد أن أكتب رسالة. Pourquoi achètes-tu un cahier? Parce que je veux écrire une lettre. نعم. لماذا تسأل عن عنوان أحمد؟ لأنني أريد أن أزوره. Pourquoi demandes-tu l'adresse de Ahmed? Parce que je veux le visiter. نعم. لماذا تحجز مكانا في الطائرة؟ لأنني أريد أن أسافر إلى البلاد. لا. إلى بلاد. إلى. إلى بلاد. إلى بلادي. أيوة إلى بلادي. إلى بلادي. Pourquoi réserves-tu une place dans l'avion? Parce que je veux voyager vers mon pays. Là, on va dire mes terres. On a dit Biladi, on va dire mes terres. Vraiment, ma foule, là. Et là, après, c'est pareil, je crois qu'il va vous exposer d'autres exemples plus tard dans d'autres cours. Là, on a appris Biannani, parce que je. Mais après, il y a parce que tu, parce que vous, parce qu'il, ainsi de suite. C'est les mêmes manières. لماذا يذهب إلى هناك؟ لأنه يريد أن يفعل كذا كذا. لماذا تذهبون إلى هناك؟ طيب قل لأننا نريد أن نفعل كذا وكذا. Après, si tu mets le demi en façon de la question. طيب خامسا cinquièmement c'est Amir Waddid. هل تحضر إلى المعهد؟ Est-ce que tu vas يعني à l'école, on va dire, au institut? La réponse نعم أحضر إلى المعهد. Voilà, c'est vraiment vraiment vraiment simple. C'est نعم لا. Après tu as la réponse. ثانيا هل تحضر إلى المكتبة؟ لا أحضر إلى المكتبة. Donc il veut faire comprendre que elle, c'est une question qui inclut la réponse avec Nam Aoulam. Et pareil. Hamas Fisifan. Touridou Kaza, Nam, Ouridou, Aoula, La Ouridou. C'est pareil le sens d'un petit différence. Il y a des petites différences, des fois il y en a qui rentrent plus dans une Jumla Ismiya, d'autres une Jumla Firlia. Ainsi de suite, sinon le sens il est pareil. Et des fois t'en as on l'utilise et pas l'autre. Mais sinon le sens c'est le même. Et dehors ils disent Eish. Eish. Eish. Ça c'est ils ont rentré Eish et Eish avec Shei. Eish en fait. Quand on dit Eish to lead, c'est Eish to lead. Quelque chose veux-tu? Quand on dit Eish, il y a un quoi en fait? Et c'est venu chez les salafs, c'est employé. Eish. Non, Eish c'est employé. Donc si on le dit, on n'est pas trop loin de ça va. Là, ça va, tu peux le dire. Mais c'est pas tout le monde qui le dit, les pays ne vont pas le dire. Thalifan, هل تركب السيارة? Est-ce que tu montes dans la voiture? نعم أركب السيارة. هل تركب الدراجة? Est-ce que tu montes sur le vélo? لا أركب الدراجة. On avait expliqué la différence qu'il y avait entre ma et la. Si tu peux employer les deux pour vous donner. Est-ce que l'un de vous deux, c'est la différence entre, par exemple, ما أكل الطعام ولا أكل الطعام. Là, ma'akul ta'am, c'est sur le moment, je ne mange pas, mais là, c'est ouais, le temps. Non. Ça y est, parfait. Vous l'avez vu, ça ? Là, là, c'est dans le kitab Awel, je crois. Ou dans le 2, ils en parlent. Et donc là, il s'en mais c'est plus connu que la fille d'un. Tu m'as vu, je pense que dans le là, il je ne sais pas si c'est trompé ou si c'est le meilleur, mais là, Ahdoro, il a le maktab, c'est-à-dire, il ne se présente jamais à la bibliothèque. Bah oui, parce que ça coûte cher. Ça revient au texte, il dit, parce que ça coûte trop cher le taxi, donc il vient pas. Ah non. Il est pas son habitude de venir. طيب. سادسا عجيب كما في النموذج. النموذج يقول هل تفضل القهوة؟ لا أفضل القهوة. Donc là, il va vous faire apprendre à utiliser le verbe فضل يفضل qui veut dire préféré. Donc est-ce que tu préfères le café? Je ne préfère pas le café. Là, les questions, vous répondez. هل تنتظر الحافلة? Est-ce que tu attends le bus? Ben, c'est pas que Afwan, non. Là, en fait, j'ai dit, c'est pas que tu veux trop de délou. C'est en fait question-réponse. Avec Nam ou Alain. Comme tout précédent. C'est pas spécifique à Fadala. Fadala, c'est juste un exemple comme ça. Nam. هل تنتظر الحافلة? Donc, انتظر, انتظر, ça veut dire? Non. Nam. Donc, est-ce que tu attends le bus? Adil? Là, et nous, on voit comment on dira. La meilleure façon, c'est comment on dirait. Là, pour avoir une phrase plus concise. Là, ah oui. Faut pas faire de répétition. Non. Donc, répondez que le domir. C'est mieux, comme ça. ثانيا هل تقرأ الكتاب؟ Est-ce que tu lis le livre؟ لا أقرأه. ثالثا هل تشتري الدراجة؟ Est-ce que tu achètes le vélo؟ لا أشتريها. رابعا هل تغادر المدينة؟ Est-ce que tu quittes la ville؟ Est-ce qu'elle va de Medina, c'est une ville؟ لا أغادرها. خامسا هل تسأل الطبيب؟ Est-ce que tu interroges le médecin؟ لا أسأله. سادسا هل تعرف المكان؟ Est-ce que tu connais le lieu؟ لا أعرف به. سابعا هل تريد السفر؟ Est-ce que tu veux voyager؟ Là en fait, est-ce que tu veux le voyage? Mais on dirait est-ce que tu veux voyager. سابعا سل كل كلمات من كلمات المجموعة المجموعة أليف c'est-à-dire le groupe catégorie أليف بعكسها من كلمات المجموعة ب كما في النموذج. En fait, tu lis entre les contraires. Dans chaque colonne, tu as des mots. Toi, dans l'autre colonne opposée, tu lis entre les contraires, les opposés. Mathalan, majmou alif, tu as le qabl. Enfin, dans majmou abe, ba'd, c'est le contraire. Ça n'est pas si. Li, fait de lier. Ah ouais. Et c'est quoi le truc? Asil, c'est quoi le. Hein? Le verbe. C'est wafala. Ouassan. C'est le même verbe. Ouassan. Faire parvenir. Bon, ça c'est... Ça a plusieurs sens. Toi, reste pas sur un sens sur un verbe. Un verbe peut être employé de différentes façons. Mmh. Tu vois. Et normalement, que le sens de la phrase, tu peux déterminer ce qui veut dire le verbe. Chut. Voilà, fibbeït, que la ligue. Non. Al-Qurb, c'est-à-dire le plus proche. Al-Qurb. Al-Qurb. Vous marquez Alif avec Fetha. Là, c'est la proximité. Al-Qurb, c'est Alif là, alors il n'y a pas de. Là, tu mets tout seul. Al-Qurb. Mais si tu mets en bout d'un filet, c'est proche de. Et tout seul, c'est la proximité. Et le. Vous avez marqué Khali. Aïn Khalia. Aïn. Najmu Abbas. C'est le contraire de Khalia, c'est-à-dire vide. Et souvent, en temps, ils disent Khali, Khali, c'est-à-dire Khali. Ça vient de Khala, Yukhali, c'est-à-dire délaissé, place. D'accord. Donc ça n'a pas de son. Ça passe en base de la Khalia. Ça n'a rien à voir avec Khalia. Non, c'est pas le même. Attends, il est où le. Voilà, ça veut dire vide. Vous voyez ? Et quand c'est masculin, on dit khali. Non, khali. Donc, tous les mots là, normalement, on les a pris. Qobl, avant. Dakhil, l'intérieur. Souroud, la montée. Akfala, c'est kadnassé. Huna, c'est ici, kafir, beaucoup, al-kurb, proximité, muzdahima, la foule, al-buhut, l'atterrissage, al-bourd, l'éloignement, hunaka, là-bas, qalil, peu, khalij, extérieur, khalia, vide, ba'd, après, fataha, ouvrir. فنقول الحمد لله رب العالمين.